Alors, je vous souhaite le bonsoir, mon noble ami. Approchez, approchez, venez plus près. Faites-vous quelque chose de sale. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? J'y ai vraiment trop cru. Voici venue l'heure du Memento. Good morning, Vietnam! Bonsoir, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode du Memento. Ce soir, comme ça a été annoncé dans Bruxelles m'habite, on va parler de ces moments magiques qui peuvent opérer grâce au mariage d'une bonne boisson avec de la bonne musique. Évidemment, je vais citer beaucoup d'alcool. Bien sûr, je ne pousse pas à la consommation, je ne fais pas de pub. Je suis juste là pour vous faire voyager entre boissons spiritueuses et musique de tous les continents. On va d'ailleurs commencer par quelque chose de très léger, de presque pas alcoolisé, à savoir la fermentation de gingembre, ce qui donne une espèce de limonade tout à fait savoureuse, fraîche et plutôt asiatique. Pour accompagner ce moment, je vous propose de faire confiance à Susumu Yokota et son morceau Kodomatashi. C'est tout à fait planant. Tout de suite, c'est le Memento sur Radio Panique. Thank you. Susumu Yokota, ce compositeur japonais de musique ambiante, qui était aussi un DJ de house et qui est malheureusement mort à 54 ans en 2015. Donc Susumu Yokota, un nom japonais tout à fait agréable pour accompagner cette petite infusion de gingembre qui nous amène maintenant en Europe pour boire quelque chose d'un petit peu innocent, jeune, un peu naïf. Je parle ici du tango, d'un Monaco en France, à savoir le mélange de la bière et de la grenadine. C'était bien évidemment l'époque des romances, lors des premières soirées, à l'époque où le sarouel était la pièce centrale d'un habillement plutôt décontracté, avec une musique qui reprenait chacune de ses caractéristiques, à savoir naïve, romantique, pleine d'énergie, et surtout pas prête. Si, bien sûr, je suis prêt, pardon, excusez-moi. Les hommes que j'aime, la rue est à nous pour accompagner cette boisson de la jeunesse. J'aime ceux qui m'ont embrassé au bord de la Seine où j'allais me jeter. Je n'ai pas vu le rêve que j'avais aimé, puisque les hommes que j'aime, ils ont des gueules cassées. Pour les voir au petit jour, je suis tout étonné du monde qui les entoure. Ils vont, ils viennent, ils prennent. Ils parlent fort, ne parlent pas. Tous des carmen qui en disaient, viens par là. Et chaque fois ils y vont, chaque fois ils en reviennent. Entre un ange et un démon, ainsi j'aime les hommes que j'aime. Des hommes que j'aime, ceux qui m'ont embrassé au bord de la Seine où j'allais me jeter. Je n'ai pas une reine que j'avais aimée, puisque les hommes que j'aime, ce sont des dons chiants qui s'offrent le chagrin d'amour, des amitiés de survivants qui fêtent votre retour. Et quand passe un drame et que l'un de nous y touche, on se donne les prénoms de femmes et on s'embrasse sur la bouche. Je sais mon tour, je le bord de la Seine, j'écris au secours, ainsi même les hommes que j'aime. Des hommes que j'aime, ceux qui m'ont embrassé au bord de la Seine où j'allais me jeter. Je déclare une reine que j'avais aimée, puisque les hommes que j'aime, je me lève mon cœur à l'adresse de ces voyous qui me portent à bonheur. Ce soir j'ai rendez-vous, et cet homme si je suis, moi je ne changerai rien à toutes mes folies, à mon feu dans mes mains, à mon amour sans pudeur, à mon amour qui se déchaîne. J'aime ceux qui m'ont embrassé au bord de la Seine où j'allais me jeter. Je déclare une reine que j'avais aimée, puisque les hommes que j'aime, je voudrais vous parler. Hey, hey. Des hommes que j'aime, ceux qui m'ont embrassé au bord de la Seine où j'allais me jeter. Je déclare une reine que j'avais aimée, puisque les hommes que j'aime. Les hommes que j'aime, la requête à nous en live, l'hymne des amoureux un peu fous, un peu méchés et surtout très vivants. Pour la suite, on reste en France, cap à l'ouest, au bout du continent, à savoir la Bretagne, et son cidre qu'on peut boire à Brest, en bonne compagnie, pourquoi pas Rhône. et son album, Mirapolis, bien sûr. Vous êtes toujours sur le Memento, dans le Memento, sur Radio Panique, pour cette émission dédiée au bon moment passé avec une bonne musique et une bonne boisson. Alors en ces temps de rentrée, on aura peut-être envie de justement repartir en vacances pour ceux qui peuvent. On change de continent, on part sous des latitudes plus clémentes pour profiter du soleil en sirotant la Sunlight des Tropiques. C'est le vrai nom d'une vraie bière, une Indian Pale Ale fraîche, fruitée, qui se déguste dans un hamac en Colombie, dans la Colombie même des années 60-70, avec Aurilla Castillon et son Chambacu. Chambacu. Chambacu. Cumbia para mi amor. Castillo Chambacu. Si vous aimez, continuez à creuser dans cette direction, c'est très très chouette comme musique. Notre voyage continue après le soleil de l'Amérique du Sud, je vous ramène à la grisaille bruxelloise qui prend tout de suite une autre saveur avec cette Pils, cette simple bière qui répond au doux nom de la Papy 22 Pils. Par cette nouvelle brasserie qui s'appelle Hans Tummelings, brasserie assez récente qui ne fait que des bons produits. Et comme c'est dit dans cette chanson, la bière avec ou sans mousse. Dites-nous, Jacques, le plat pays, avec ou sans la mer du Nord ? Avec. Belgique, avec ou sans les Wallons? Avec. Oh, dans mes bisous! Dijek, souris, mère Belgique, avec ou sans Flamand? Et là, ah, oh! Avec. Souris, hein? Et là, ah, oh! Là, je ne suis pas d'accord. Dijek, les Bruxellois, avec ou sans accent? Avec. Avec? Oui, ça va, ça va, mais non! Dijek. Quoi? Dijek, ta bière, avec ou sans mousse? Avec. Avec le fait en bon. Avec. Oui. Donc. Ah oui. Tout ne va pas très bien. Wallonie, Wallonie, Wallonie, Lee, Lee. Tout ne va même pas bien. Flamme, ya, ya, ya. Tout ne va pas très bien. Ça va même pas bien. Blablabla. Ya, ya, ya. Dijek, le chiffon grattant, avec ou sans chef-lieu? Avec. Le grammique, avec ou sans riz? Grammique? Avec. Bon, Jacques, les faucilles ici, les moules, avec ou sans les frites? Avec. Les moules. Oui. Les saucisses, avec ou sans saucisses? Avec. Malgré, avec ou sans santé? Avec. Tiens, le commissaire Maigret, alors. Monsieur Perfilier. De fait. Avec. Jacques, la France, avec ou sans tous les gros marouins? Avec. Ma Belgique, avec ou sans coupé en deux? Avec. Avec, oui, ça va manger que là, le belge est barré avec son accent. Avec. Là, je ne suis pas. pas d'accord. T'es pour mes doigts souillés, je n'ai avec ou sans rien. Avec. Eh bien, figure-toi que je fais une belle collection de pins. Ah oui. Avec. Baby, non, baby, non, baby. Et la kermesse, avec ou sans le cousin. Avec. Pas du tout, pas du tout. Dis Jacques, le grand pays, avec ou sans mèche de nous. Avec. Nul avec Jacques Brel qui a bien et bien été vous samplé. Allez écouter une magnifique émission de savoir bien. Pardon, c'était pas prévu. Les Snuls avec plein de bonnes choses dedans et surtout avec la papille 22 Pills que je vous conseille fortement. Pour la suite, eh bien, on va rester en Belgique pour ce prochain moment d'extase à la fois liquide et sonore. Eh bien, rester dans quelque chose d'assez spécial, c'est-à-dire une bière acide au goût surprenant, la Houtbrune, avec ses arômes de fruits rouges, de bois, de pain et même de pommes. Très, très spécial. Et pour accompagner ça, eh bien, Flavien Berger et sa fête noire, donc quelque chose d'assez acide au final, dans le même style. Attiré par l'extase, un tourbillon vert illumine les sirènes. Le reflet des flambeaux dans du vomi turquoise. Le plus beau des voyages, c'est la fête foraine. Le plus beau des voyages, c'est la fête foraine. Oh la fête foraine. S'est envolé, traçant un arc dans la nuit, de la couleur des opiacés. Sous la voûte, je m'évanouis, j'extirpe ma tête hors de nos jeux dans lesquels je me crois mort. Je suis seul avec l'or de l'eau, sous la surface de l'aurore. Je quitte le va-et-vient des âmes, de l'autre côté du plongeoir. Reflet du vacarme d'une fête foraine, d'une fête foraine devenue noire. La fête noire, la fête noire, la fête noire. Le céleste dessiné par les cris, mes lunettes effilochent le spectre des fontaines, les yeux collés au ciel, tous les visages brillent. Le plus beau des voyages, c'est la fête foraine. Le plus beau des les voyages, c'est la fête foraine. Oh, la fête foraine. Outbrain pour accompagner Flavien Berger, sa fête noire dans le Memento, toujours dédié à, au mélange de musique et d'alcool, on va le dire comme ça. Donc on commence justement tout doucement à monter dans les degrés d'alcool et dans la force de la musique pour refermer cette page des boissons boulonnées, un classique un peu fort, la Saint-Bernardus 12, 10% brassée à Watou en Flandre, à mi-chemin entre Courtrai et La Panne, une bière noire qui est pourtant une brune, un goût puissant mais précis, le genre de chose qui peut donner une énergie pas tout à fait naturelle en soirée, un petit peu comme No BS Brass Band. Can comme Jim Discan, c'est le titre, c'est le nom de ce titre, de No BS Brass Band, donc No BS, d'une puissance incroyable qui était passée à Liège il y a quelques années, j'ai eu la chance de les voir, c'était fou, c'était dingue, ils finissent leur concert en entourant tout le public, et ils jouent comme ça ensemble, c'est absolument absolument dingue, une énergie presque métal, hein, clairement. Et donc ça, c'était une session live par Audio Tree. Vous trouvez ça sur YouTube, c'est absolument génial. Et bien voilà, on a fermé cette page de la bière avec cette Saint-Bernardus 12 et de la violence tout en cuivre. Et on va repasser à quelque chose d'un peu plus civilisé, tant en boisson qu'en musique. Alors pourquoi pas un peu de vin ? Alors d'ailleurs à ce sujet, je vous conseille fortement un livre qui s'appelle « De la vigne aux platines, une histoire des accords de vin » par Fabien Corbindo, je ne sais pas comment on dit, et Christophe Maria. Donc c'est un bouquin assez original puisque, comme vous l'aurez peut-être compris, il propose de mêler vin et rock principalement. Alors c'est passionnant, et voilà, du coup le Memento vous propose un mélange peut-être un peu facile, mais pour autant tout à fait délicieux. Un vin espagnol du Rioja, vieilli en fût de chêne, avec un vrai goût de bois, avec du peps, de l'énergie et en même temps une certaine classe, tout comme un certain Paco de Lucía et son Entre dos aguas, littéralement entre deux eaux. Et pourquoi pas entre deux eaux ? Eh bien, un verre de vin. Ça se finit sans prévenir. C'est violent, c'est chouette, ça bouge, c'est dansant. C'était Paco de Lucia, Entre dos aguas, entre deux eaux, le vin. Après le vin, eh bien, j'aurais pu vous parler, par exemple, pourquoi pas de Bourbon, avec un petit Roger Miller. Ou non, mais on va passer directement même, par exemple, avec ce whisky belge, le Belgian Owl. Il y en a plein d'autres, en tout cas quelques-uns. Le Carolus aussi, qui a un goût de bière, c'est très intéressant. Eh bien, explorer, il y a plein de bons produits en Belgique. Et pour aller avec un produit belge, évidemment, il faut de la musique belge. Pourquoi pas Jay Bernard, qui est le dernier side project issu d'un projet mort, c'est-à-dire en tout cas très très fort en pause, Balthazar. Et bien voilà, c'est Jay Bernard avec Wicked Street. Ça a une chouette direction un peu plus hip-hop, tout en restant clairement affilié à tout ce que Balthazar et les descendants de ce groupe ont fait. Profitez-en bien, Jay Bernard, Wicked Street. I was out there with a thirst and hunger. I was out where I could feel much younger. I was kneeling, await some revealing, some release for these worn out knees. It don't matter what you say or do, what you feel, it comes right after you. You've been losing everything, been losing every losing. It don't matter who saved you a seat down these wicked streets. Coming up now through the smoking night air, get your kicks now down these wicked streets, where I was shaking and I was preaching over again. Shouldn't come around if you don't want to feel a thing that's under your skin. God knows, unlike anything, it shows what you reap and you did so. It don't matter what you say or do, you feel it comes right after you. Been losing everything, been losing every losing. It don't matter who saved you a seat down these wicked streets. On approche tout doucement de la fin du Memento, mais avant ça, on n'a pas fini de goûter des choses autant musicales que liquides, pardon. Voilà, le petit fait d'être fait. Je disais donc des chouettes choses liquides et sonores. Eh bien là, je vous propose de tester la cachaça. La cachaça sert à faire plein de très chouettes cocktails, dont la caipirinha, qui est extrêmement fraîche, extrêmement agréable, et qui se boit très bien, qui est très simplement frais et citronné. Voilà, c'est vraiment tout à fait agréable. Et pour aller avec ça, moi je vous propose bizarrement de quitter le Brésil, alors qu'on y retournera pour la musique prochaine, mais là on va au Cap-Vert, enfin comment dire, avec une artiste du Cap-Vert qui sont donc ces petites îles au large du Sénégal, donc à l'ouest de l'Afrique, dans l'Atlantique, à mi-chemin quelque part entre le Brésil justement et dont est originaire la cachaça et donc l'Afrique. Et donc, pour aller avec cette musique, notre artiste du Cap-Vert, c'est Lucy Bella. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle joue dans le cloître d'une abbaye à Arles. Merci à Arte Concert de nous sortir des jolies choses comme ça. Profitez-en bien, c'est la cachaça avec Lucy Bella. Si je monte le fader, ça ira mieux. Chicadinha maninha, jaquei parrote a bós, nanafum ribeirãozinho. E na galope na carreira, jaquei parrote a bós, nanafum ribeirãozinho. Oi mãe, quando chega lá na ribeira, pensa que era canhota, era morto um anjinho. Oi mãe, quando chega lá na ribeira, pensa que era canhota, era morto um anjinho. Enha chicadinha maninha, jaquei parrote a bós, lá na fundo ribeirãozinho. E na galope na carreira, jaquei parrote a bós, lá na fundo ribeirãozinho. Oi mãe, quando chega lá na ribeira, pensa que era canhota, que era morto um anjinho. Oi mãe, quando chega lá na ribeira, pensa que era canhota, que era morto um anjinho. Chicadinha maninha, jaquei parrote a bós, lá na fundo ribeirãozinho. E na galope na carreira, jaquei parrote a bós, lá na fundo ribeirãozinho. Oi mãe, quando chega lá na ribeira, pensa que era canhota, era morto anjinho. Oi mãe, quando chega lá na ribeira, pensa que era canhota, era morto anjinho. Oi mãe, quando chega lá na ribeira, pensa que era canhota, era morto anjinho. Oi mãe, quando chega lá na ribeira, pensa que era canhota, era morto um anjinho. La douceur de Lucy Bella à Arles. Merci Arte Concert, c'est très très chouette, très joli pour aller avec cette douce et parfois violente cachaça. Eh bien, je pense qu'on arrive à la fin de cette émission. Ça va être la dernière boisson, la dernière musique. Avant de se quitter, je voulais dire merci de nous avoir accompagnés, de m'avoir accompagné pendant 7 heures. On se retrouve le mois prochain, 4e jeudi du mois, toujours sur Radio Panique, toujours pour le Memento, avec peut-être un sujet un peu plus original, un petit peu différent, on verra bien. On vous réserve toujours quelque chose de chouette, on l'espère. Voilà, passez une bonne soirée, que tout se passe bien pour vous. On finit avec, bien sûr, du rhum, quitte à être dans les feelings latins, et avec Os Tinkoas, groupe brésilien des années 60-70, très chouette, ici remixé par un DJ brésilien lui-même, JGB Edit, et tout ça pour aller, je vous propose le Milionario, ou Milionario, qui est un rhum très sympa, à mi-chemin entre le rocailleux et le sucré. C'est péruvien, donc voilà, on voyage et on découvre, et on s'ouvre les oreilles. Passez une très bonne soirée sur Radio Panique, tout de suite c'est Réservoir Dub, avec une émission qui s'appelle manifestement Réservoir Veuve. Quelque part, on ne s'est pas concerté, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui va avec ça. Passez une très bonne soirée, merci beaucoup, amusez-vous bien. Deixa girar.